Le jour même où ce premier ban fut publié, le baron reçut un autre message d'Afrique. Un second Alsacien se présenta, remit une lettre en s'assurant qu'il la donnait au baron Hulot, et après lui avoir laissé l'adresse de son logement, il quitta le haut fonctionnaire, qu'il laissa foudroyé à la lecture des premières lignes de cette lettre. « Mon neveu, vous recevrez cette lettre, d'après mon calcul, le 7 août. En supposant que vous employiez 3 jours pour nous envoyer le secours que nous réclamons, et qu'il mette 15 jours à venir ici, nous atteignons au 1er septembre. Si l'exécution répond à ces délais, vous aurez sauvé l'honneur et la vie à votre dévoué Johann Fischer. Voici ce que demande l'employé que vous m'avez donné pour complice, car je suis, à ce qu'il paraît, susceptible d'aller en cour d'assises ou devant un conseil de guerre. Vous comprenez que jamais on ne traînera Johann Fischer devant aucun tribunal. Il ira de lui-même à celui de Dieu. Votre employé me semble être un mauvais gars, très capable de vous compromettre, mais il est intelligent comme un fripon. Il prétend que vous devez crier plus fort que les autres et nous envoyer un inspecteur, un commissaire spécial, chargé de découvrir les coupables, de chercher les abus, de sévir enfin, mais qui s'interposera d'abord entre nous et les tribunaux en élevant un conflit. Si votre commissaire arrive ici le 1er septembre et qu'il ait de vous le mot d'ordre, si vous nous envoyez 200 000 francs pour rétablir en magasin les quantités que nous disons avoir dans les localités éloignées, nous serons regardés comme des comptables purs et sans tache. Vous pouvez confier au soldat qui vous remettra cette lettre un mandat à mon ordre sur une maison d'Alger. C'est un homme solide, un parent, incapable de chercher à savoir ce qu'il porte. J'ai pris des mesures pour vous assurer le retour de ce garçon. Si vous ne pouvez rien, je mourrai volontiers pour celui à qui nous devons le bonheur de notre Adeline.